1999 99, ma vie je l'improvise, pas de pote fix, je suis un nomade. Depuis que la brume m'a rendu malade, nouvelle raison d'être, j'ai l'impression de te connaître. Viens, toi et moi on fait une assos, je sentais qu'on serait des bons sauces. Je t'ai vu dans une galère, pas possible. Apparemment cette fille nous a pris pour cible. Création du duo le plus soudé, la sauce est lancée. 99, début d'une histoire de ref à l'adolescence. Arrivé trop tard dans les études, faut s'accrocher même si c'est rude. 99, quoi de neuf, frères, deux sœurs, à la recherche d'un ref pour poser des heures. Avec ce qu'il est keuf, à draguer les meufs. Rares sont les gens pour qui je donnerai ma vie. Mais t'es bien plus qu'un ami, alors je le ferai avec plaisir et sans souci. Même si je prends du sursis, frère, relation de vie. À l'heure actuelle, l'individualité fera ma force, parce que je sais ce que je veux. Et 99, j'ai gardé que l'essentiel, les vrais le savent. J'oublie rien et j'avance, car je sais que j'ai de la chance. 99, frère, appelle-toi, éduqué à la Camille, c'est ça. Chacun son école, chez nous c'est formation Lascar. Le soir après les heures de colle, c'est par les parents qu'on se fait d'art. Alors on se met à traîner tard le soir, on rôde des halls jusqu'au bar. On prend bois à la rue, plus besoin des darons la nuit, on se bat. En équipe, on squatte la street jusqu'à 5 du bar. 99, nos traps sont pas des tours, mais bien de nos cours. À l'âge où l'inconscience nous joue des tours, trop d'abus quand j'y pense. Délaissé et arrogant, la rue mon grand, tout bascule. À l'école, on nous voit plus, le son nous colle à la peau. La haine pour la scolarité, le son coule dans nos veines. Et on se prend pour des célébrités à la télé. Les clips de nos idoles, entre les keufs et les drogues, on s'en sort plus. Entre les meufs et l'école, on nous voit plus. 2000, trop de conneries. L'école nous a séparés, impossible de nous laisser ensemble. Changer de classe, c'est nos zéros. Mais rester collé, ça nous ressemble. La répression contre leur démission. Le rap nous a ralliés, notre plus grande fierté. Car depuis tout petit, les mains se lèvent. Nous, les deux frères, de Panama à Marseille. Fin de mois, c'est jour de paye. Ce soir, les patrons, c'est BNR. Milan, on change de bahut, plus popasse, plus bédable. Le bédo me consume comme la tisse que je consomme. Le maire bicra, frère, t'es loin, faut que je m'assomme. Croyant que ça traîne moi un homme. On s'est vu grandir depuis 12 piges. Le meilleur, pas le pire, jamais sans ça. Toi et moi, c'est le sourire sur leur visage. Tout petit que je te soutiens, quoi qu'il arrive, jamais je tournerai la page. 2002, je tape des bars à Montmélie. On découvre de nouveaux potes, on passe nos nuits à Michelet, de Séverine au bureau, des bars et nos moulinots. Toujours les mêmes dans nos halls, on se réunit au Comico, c'est l'époque. À 87, ensemble on se baisse le cerveau. 2003, on porte bonheur. Je crois à 100% à 87, 35 roues. Nos sauts augmentent et se resserrent, nos joints, nos ambiances. Aussi vite qu'une flamme se marie avec l'essence. Malgré l'internat, tout le monde tend, je le passe avec vous. On disait qu'on changerait pas, on serait toujours les même fou, mais heureusement qu'on change. L'essentiel étant de dire ce qui dérange. 04, 05, ADN de ma sortie, je me sens un autre homme. Vivre à plusieurs, développe l'instinct grégaire. Fini les envies de faire la guerre. Ici aucune erreur ne se gomme. J'esquive les pièges de la vie. Avance à petits pas, n'espère pas m'appâter par un TP chez Capito. 2006, je suis chargé à bloc. Si tu me gênes, je te présente mon Glock. Toutes ces années nous aient servi. N'oublie pas qu'on est deux. Si je fais mal, sois mon psy. On a grandi sur des rimes différents. Quoi qu'il en soit, on rappelle de cette phrase. Quand on sera grand,